apprécier. Zot l'a rien demandé, si tu es nena, tant mieux pour toi. La richesse, zot l'amour, il fait vivre zot foyer. C'est que m'y comprend pas, pourquoi dans le monde il y a un jugé. N'a pas de réponse loi qui dit si l'épreuve il faut condamner. La vie peut changer, situation il faut retourner. C'est un mal de cœur pas bon, il va jamais changer. Changer, situation il peut retourner. Ça donne mal au cœur, pas bon. Il va jamais changer.